بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous, ahlan wa sahlan wa marhaban bi jami' al mustami'in wal mustami'at, hayyakum Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous et vous facilite. Donc nous allons poursuivre, incha'Allah ta'ala, notre série de cours intitulée « Sur le chemin de la hijra ». Et dans le cours précédent, nous avons parlé du rôle des parents dans la hijra. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est les premiers pas dans la hijra. Et ce sujet, ikhwani fillah, est très important car celui qui fait la hijra doit commencer cette adoration immense sur de bonnes bases. Il doit commencer sa hijra sur des fondements solides, tout comme il doit veiller à maintenir la stabilité de ses fondements. Et parmi ce qu'il convient de faire au début de la hijra, il y a privilégié la subsistance du cœur à celle du corps. En effet, certaines personnes, au début de la hijra, lorsqu'ils arrivent en terre d'islam, ils ont tendance à faire beaucoup d'efforts pour trouver du travail ou ouvrir un commerce ou autre. Et ils délaissent la science et ses assises. Et cela parfois dure un certain temps. Puis lorsqu'ils trouvent un travail ou quelque chose permettant de subvenir à leurs besoins, ils continuent à délaisser la science, car ils se sont habitués à cela. Et ceci est une erreur. Celui qui vient de faire la hijra doit faire des efforts pour trouver des cours religieux. S'il a immigré dans un endroit où il y a des cours, alors qu'il cherche à s'y rendre. Et dans le cas où il a immigré dans un endroit où il n'y a pas d'assises de science ou d'institut, alors qu'il cherche à prendre des cours en ligne, ceci doit être une priorité. Et ceci n'empêche pas, ikhwani fillah, de faire des efforts pour trouver du travail Il faut dans cela être dans le juste milieu, mais il faut privilégier la subsistance du cœur, car c'est comme cela que le cœur va s'apaiser. Et ceci est une cause de raffermissement, comme vous le savez. Tout comme il convient à celui qui vient de faire la hijra d'organiser son temps. Car en terre d'islam, il est souvent très simple de perdre son temps. Surtout pour celui qui n'est pas habitué au mode de vie de ces pays. Car la vie est en général tranquille. Les gens ne sont pas forcément pressés. Au contraire de ce qu'on connaît en terre de mécréance. Les gens ont souvent l'habitude de s'inviter et de se visiter, de sortir et autres. Et donc, si tu n'organises pas ton temps, il est possible que tu perdes un temps incalculable dans des choses qui ne te sont pas forcément profitables. Et pour remédier à cela, essaye par exemple de te faire un programme. Consacre un temps pour ton travail, un autre temps pour étudier, un autre temps pour tes obligations familiales, etc. Ceci est important. Ne pensez pas, ikhwani fillah, qu'il n'y a que en terre de mécréance que tu peux te faire distraire par cette dounia. Et dans les débuts de la hijra, il faut faire preuve de beaucoup de fermeté. Car l'un des objectifs de la hijra est de se réformer et délaisser les mauvaises habitudes qu'on pouvait avoir en terre de mécréance. Et il faut se dire que la hijra est un nouveau départ. Et il faut s'efforcer de changer et s'améliorer. Car malheureusement, souvent, lorsqu'on a réussi à faire la hijra, on a tendance à croire qu'on a fait le plus dur et qu'on a tout gagné. Et ceci est une ruse de shaitan. Et ce genre de pensée, ikhwani fillah, vont souvent pousser la personne à ne pas se réformer et à garder ses mauvaises habitudes, et ceci est très mauvais. Celui, par exemple, qui avait des manquements dans la prière en groupe, lorsqu'il était en terre de mécréance, alors qu'il se réforme et change cette mauvaise habitude. Celle, par exemple, qui avait tendance à trop sortir dehors, sans nécessité, alors qu'elle se réforme et délaisse ses agissements. Et il se peut que quelqu'un me dise « Mais c'est facile de faire preuve de fermeté lorsque tu as fait la hijra, surtout en termes d'adoration par exemple. Pour un homme, c'est beaucoup plus facile de prier à la mosquée car on entend l'appel à la prière et il y a beaucoup de mosquées. Et ceci est identique pour la femme. Elle entendra l'appel à la prière de chez elle. Et il lui sera donc facile de prier à l'heure. Et en réponse à cela, ikhwani fillah, il convient de dire qu'il n'y a pas de doute qu'en terre d'islam, il y a plus de facilité pour pratiquer sa religion. Cependant, on finit vite par s'habituer. On finit vite par s'habituer à cela. De telle sorte que parfois il est possible que la personne retombe dans ses travers. Au départ, tu seras sûrement impressionné par toutes ces facilités, telles que l'adhan, telles que l'appel à la prière, les nombreuses mosquées, etc. Mais au fur et à mesure, tu vas t'y habituer. Et donc, il faudra que tu fasses preuve de fermeté pour ne pas retomber dans tes travers. Et il n'y a pas que les mauvaises habitudes qu'on avait en terre de mécréance qui sont à délaisser. Même les habitudes que certains avaient lorsqu'ils venaient en vacances dans les pays musulmans sont à délaisser. Car celui qui va faire la hijra dans son pays d'origine, il a souvent certaines habitudes. Des fois, il a l'habitude de fréquenter certains endroits. Il a tendance parfois à beaucoup dépenser. Et il a aussi d'autres mauvaises habitudes qu'ont les touristes en règle générale. Et il faut que tu saches, ya Abdallah, que tu n'es pas venu dans ton pays en tant que touriste. Tu n'es pas venu avec un budget à dépenser. Tu es plutôt venu faire la hijra. Donc ne te comporte pas comme un touriste. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te faire plaisir, attention. Mais il faut toujours que tu gardes en tête que tu es venu faire la hijra. Et que dans les terres de mécréance, et que dans les terres de et que les terres de mécréance ne sont pas comme les pays d'islam, et que les terres de mécréance sont derrière toi. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de toujours comparer ce qu'il y a en terre d'islam avec ce qu'il y a en terre de mécréance. Surtout en ce qui concerne les prix. Au début de la hijra, on a tendance à beaucoup comparer les prix. Cela va engendrer beaucoup de dépenses, car le coût de la vie en pays musulman n'est pas le même qu'en terre de mécréance. Donc les produits... Donc les produits... En règle générale, sont moins chers. Attends, et bon, on me dit qu'il y a un problème de son. Je sais pas si le son il est revenu. Rouhani, file là. Attends, est-ce que le son il est revenu maintenant? Taïb. Donc je disais qu'au début de la hijra, on a tendance à beaucoup comparer les prix. Et ça va engendrer beaucoup de dépenses. Car le coût de la vie en terre d'islam n'est pas le même qu'en terre de mécréance. Donc les produits seront en général moins chers. Et donc, il faut plutôt demander aux personnes qui nous ont précédés dans cette adoration et qui ont de l'expérience dans ces pays, leur demander ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Et ils te donneront, inshallah ta'ala, certaines astuces et t'aideront lors de tes débuts. Et pour finir ce cours, nous allons parler de l'installation en terre d'islam. Car les questions sont nombreuses à ce sujet. Et concernant ce point, il faut savoir que l'installation en terre d'islam est très facile, walillahil hamd. Pour trouver un appartement, par exemple, c'est assez facile. Et il y a plusieurs manières de trouver un logement. Dans certains pays, il faut faire appel à celui qu'on appelle le simsar. Le simsar, c'est celui qui a pour métier de trouver des appartements. Et donc, il suffit de l'appeler et de lui dire quel type d'appartement on recherche. Ensuite, il se charge de trouver un appartement. Et si l'appartement convient au demandeur, alors il ne reste qu'à faire le contrat avec le propriétaire de l'appartement. Et après cela, on récupère les clés et il ne nous reste plus qu'à meubler l'appartement. Et dans certains pays, il est même possible de trouver un appartement sur Internet avant de se rendre dans ce pays. Ceci est certes un gain de temps, car il est possible de réserver donc cet appartement avant d'émigrer. Par contre, il convient d'avoir quelqu'un sur place pour visiter cet appartement et aussi pour qu'il puisse prendre une vidéo de cet appartement, car il ne faut pas se fier aux photos. Ils peuvent parfois être trompeuses. Et dans d'autres pays, ce sont les épiciers du coin qui ont les clés des appartements à louer. Et il suffit donc de savoir lequel d'entre eux a les clés des appartements pour pouvoir les visiter et choisir celui qui nous convient. Et en résumé, Ikhwani fillah, il est certes simple de s'installer en terre d'islam. Et la simplicité est l'un des grands bienfaits des pays musulmans. Avoir la possibilité de vivre simplement et de pouvoir revenir à l'essentiel est une chose que le musulman a besoin. Surtout lorsqu'on sait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de simple. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver les pays musulmans de tout mal. Comme nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à émigrer. Donc ça, Ikhwani fillah, c'était pour le cours d'aujourd'hui. Je m'excuse pour les différents bugs qu'on a pu avoir lors du cours. Mais Inch'Allah, le cours, il sera mis en ligne demain matin pour ceux qui ont raté certains passages du cours.